trop crevé, mes paupières me lâchent, j'aurais bien voulu veiller, mais tout le visage me flash, ces dernières heures sont de trop, j'ai même du mal à écrire, j'ai pas envie de sortir, et j'aimerais bien faire le saut. Regarde mes doigts, ils tremblent, et c'est une raison pour m'arrêter, m'arrêter de m'amuser. J'en ai bien peur, il me semble, et mes jambes ne tiennent plus, comme c'est bizarre, il est si tôt. J'ai pas envie de me coucher, mais quand t'es là, et que je te vois, mais quand t'es là, je te vois, mais quand t'es là, et qu'on se voit, j'ai tant envie de te rejoindre. Je vais me coucher cette fois, je te le jure, je vais me coucher chérie. Pour toutes ces nuits oubliées pendant lesquelles je jouais. Je vais me coucher. Mais à quoi bon m'abandonner, même si mes paupières m'ont lâché, j'aurais bien voulu veiller. Qui me fait rêver, alors je me décide d'attendre ce que je peux le plus possible, mais tu me dévores de tes yeux, de tes regards les plus acides, et j'ai peur de plus t'aimer, te détester ou t'embrasser, alors que mon boulot est là, et que sans moi il se fera pas, et encore une fois là, comme la seule femme à ce pouvoir, je résiste. J'ai pas envie de me coucher, mais quand t'es là et que je te vois, mais quand t'es là et que je te vois, mais quand t'es là et qu'on se voit. J'ai tant envie de te rejoindre. Je vais me coucher cette fois, je te le jure. Je vais me coucher, chérie. Pour toutes ces nuits oubliées, pendant lesquelles je jouais. Je vais me coucher cette fois, je te le jure, je vais me coucher chérie, pour toutes ces nuits oubliées, pendant lesquelles je jouais.